Tu vas à la manif demain ? Je ne pense pas, j'ai un examen d'économie à préparer. Toi alors, qu'est-ce que t'es triqué ? Si la loi passe, diplômé ou non, tu n'auras pas de travail. Tu ne te sens pas concerné par la précarité de l'emploi ? La montée du chômage et la réduction des acquis sociaux ? Vraiment, tu me déçois. Oui, tu as peut-être raison. Finalement, je vais faire la manif. Ah, quand même ! Allez, viens avec moi. Je vais finir de préparer une banderole. Et il y a des tracts à distribuer.